Les probabilités 1. Événement. On considère une expérience, par exemple le jet d'un dé. L'ensemble de tous les résultats possibles est supposé fini et noté, U. Dans l'exemple, U égale à ensemble des éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6. Événement, définition. C'est l'ensemble de tous les résultats caractérisés par une même propriété. Lors d'une expérience. C'est une partie de U. Exemple, le numéro sorti lors d'un jet d'un dé est impair, A, égale à, ensemble des éléments 1, 3, 5. Événement élémentaire, définition. C'est l'événement constitué d'un seul résultat. C'est un singleton. Exemple, les événements élémentaires du jet d'un dé sont ensemble des éléments 1, ensemble de l'élément 2, ensemble de l'élément 3, ensemble de l'élément 4, ensemble de l'élément 5, ensemble de l'élément 6. Intersection de deux événements A et B, définition. C'est l'événement constitué des résultats communs aux événements A et B. Exemple. Si A correspond à l'obtention d'un nombre pair et B à l'obtention d'un multiple de 3, alors A intersection B égale à ensemble de l'élément 6. Remarque, repérez les T dans le texte. Il caractérise l'intersection. Événements incompatibles, ou disjoints, définition. Deux événements sont incompatibles s'ils n'ont aucun résultat en commun. Ce qui correspond à intersection mais égale à ensemble vide. Exemple, si A correspond à l'obtention d'un nombre impair et B à l'obtention d'un multiple de 4, alors A et B sont incompatibles. Réunion des deux événements, définition. C'est l'événement constitué des résultats de l'événement A ou de l'événement B. Exemple, si A correspond à l'obtention d'un numéro pair et B à l'obtention d'un numéro supérieur ou égal à 3, alors, A réunion B, égale à, ensemble des éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6. Remarque. Ne pas confondre A réunion B, caractérisée par O, et A intersection B, caractérisée par E. Événement contraire d'A, définition. C'est l'événement constitué des résultats n'appartenant pas à A. Exemple, si A correspond à l'obtention d'un numéro pair, alors l'événement contraire d'A, ensemble des éléments 1, 3, 5, obtention d'un numéro impair.